En commémoration du cinquantenaire de l'ASEAN, le comité d'ASEAN en Corée a offert le vice-courant un banquet dans la maison du corps diplomatique de Daedonggang à Pyongyang. Y ont été invités les cadres coréens intéressés, y compris le ministre de l'économie extérieure Kim Yong-jae, les représentants diplomatiques de divers pays et des institutions internationales en Corée. Y était présent l'ambassadeur indonésien Bambang Hiendrasto, président du comité d'ASEAN en Corée, l'ambassadeur vietnamien Pham Viet Phung, le laotien Phongkham Intabwari et le cambodgien Sin Bun Tu On, ainsi que les officiels des ambassades des membres de l'ASEAN en Corée.